Il n'y a pas que Star Trek et Star Wars dans la vie, mais bon, les auditrices et les auditeurs de la méthode scientifique le savent bien. Et de deux, lorsqu'on décrit ces deux sagas comme les seules étant ininterrompues depuis leur création, eh bien on se trompe et on oublie certainement la plus importante. Depuis le premier volume écrit en 65, récompensé des prix Nebula et Hugo, jusqu'au dernier, publié cette année par le fils de l'auteur original, il n'y a pas eu de pause dans l'univers de Dune depuis plus de 50 ans. Et cette année, avec la sortie malheureusement différée de la nouvelle adaptation cinématographique, c'est une véritable pluie d'ouvrages d'analyse qui est tombée à la rentrée. Quelle belle occasion de retourner sur Arrakis. Dune, épices et tout, c'est le programme sablonneux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Je sais que je serai condamné un jour pour les titres de cette émission, mais pour le moment, on est encore libre. Allez, avant d'aller compter fleurettes au ver de sable géant et au Kwisatz Haderach, on plonge la main dans la boîte parfois douloureuse, il est vrai, de l'actualité scientifique de la semaine. Et c'est le Journal des Sciences et Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, les sondes Voyager 1 et 2 naviguent en dehors de notre système solaire et elles nous apportent les traces de ce qui pourrait être une nouvelle physique. Oui, lancées en 1977, les deux sondes ont traversé notre système solaire et ont franchi, en 2012 et en 2018, l'héliopause. L'héliopause, c'est la frontière entre le plasma solaire chaud et le plasma interstellaire relativement froid. Ces sondes sont les premières à s'aventurer dans ce milieu interstellaire dont on ne sait pas grand-chose. Une étude parue dans The Astronomical Journal montre qu'elles ont détecté un nouveau type de rafale d'électrons. Une équipe internationale a identifié un nouveau mécanisme de la physique du rayonnement cosmique et des ondes de choc solaire. Voyager 1 et 2 ont capté des électrons puissamment accélérés par des ondes de choc provoquées par les éruptions solaires. La surface de notre Soleil émet en permanence du vent solaire un flux de particules chargées sous forme de plasma qui génère un champ magnétique. Ces particules énergisées semblent s'accélérer même au-delà des frontières de l'héliopause. Alors, l'idée que les ondes de choc accélèrent les particules, ça ce n'est pas nouveau, mais personne n'avait encore vu une onde de choc interstellaire dans un tout nouveau milieu vierge. En bref, les experts craignent que les cadavres de visons contaminés au SARS-CoV-2 ne contaminent maintenant les eaux souterraines du Danemark. Et le mois dernier, 17 millions de visons porteurs d'une souche mutée du coronavirus ont été abattus, puis enterrés à quelques mètres de profondeur dans un sol sablonneux. Il y a deux semaines, une centaine de cadavres sont remontés à la surface sous l'effet des gaz liés à la décomposition des animaux. Et le Danemark a donc envisagé de les déterrer pour les incinérer. Mais les géologues et l'Agence danoise de protection de l'environnement craignent que les eaux souterraines puissent déjà être contaminées par le fluide des corps. L'une des fosses dans le nord du pays est très proche des installations hydrauliques locales. Cela représente un risque pour l'eau potable. Dans un rapport, l'agence recommande de créer au plus vite un toit au-dessus des fosses pour que la pluie n'accélère pas le processus d'infiltration. Cette semaine, dans le Journal des Sciences, il a été question du vaccin de Pfizer-BioNTech et des réactions très gravement allergiques qu'il a pu provoquer en Grande-Bretagne, des preuves de sépulture chez les Néandertaliens, de la sonde Hayabusa 2 qui a bien rapporté sur Terre des roches de l'astéroïde Ryugu, mais également dans l'actualité des sciences cette semaine, Natacha, et en ultra bref. Hier, l'Union internationale pour la conservation de la nature a actualisé sa liste rouge des espèces menacées d'extinction. Ce sont plus de 3000 nouvelles espèces animales et végétales qui rejoignent cette liste. 31 nouvelles espèces sont d'ores et déjà éteintes. Nous perdons de la biodiversité à un rythme sans précédent. Ce sont à présent 35 765 espèces qui risquent de disparaître. Cette semaine, l'Agence européenne des médicaments a autorisé le premier médicament contre l'allergie à l'arachide, un traitement d'immunothérapie sous forme de poudre orale destinée aux enfants et aux adolescents pour diminuer durablement leur sensibilité aux cacahuètes. Et enfin, le 21 décembre prochain, il sera possible d'observer un événement rare. Saturne et Jupiter seront au plus proche l'une de l'autre. Les alignements entre ces deux planètes sont plutôt rares et l'écart entre ces géantes gazeuses sera très faible. C'est ce qu'on appelle la grande conjonction. On n'a pas vu d'alignement si étroit depuis le 4 mars 1226 et nous n'en reverrons pas avant 2080. Alors, oh, je vous rassure tout de suite, hein, Jupiter et Saturne vont pas être à quelques kilomètres, hein, ce sera encore 4,5 unités astronomiques, mais on en reparlera en tout cas dans une émission à la rentrée après les congés de Noël. On vous racontera l'histoire de ces deux géantes gazeuses et comment elles ont interagi les unes avec les autres au cours de la vie de notre système solaire. Ceci étant dit, dans quelques minutes, on vous donne en exclusivité la recette originale de l'épice, mais avant cela, on va faire le tour de la galaxie SF dans le journal de la science-fiction. Et pour commencer ce journal de la science-fiction, l'armée française se prépare à déployer un soldat augmenté. Et c'est ce qu'a annoncé la semaine dernière Florence Parly, la ministre de la Défense. Alors, un soldat augmenté, cela signifie améliorer les capacités physiques ou cognitives des combattants grâce aux technologies. On peut penser à des exosquelettes qui permettent de porter des charges plus lourdes, à des implants cérébraux pour des interfaces cerveau-machine pour aider pendant les combats, ou encore à des opérations de la cornée pour augmenter les facultés visuelles. Alors pour sortir l'humain de ses limites naturelles, un comité d'éthique de la défense a été créé en 2019 pour réfléchir sur ces enjeux. Ce comité vient donc de donner son feu vert pour pousser les innovations militaires dans ce sens, afin de ne pas risquer d'être en retard par rapport à d'autres pays qui se lancent dans ces recherches. Il y a néanmoins quelques limites qui ont déjà été posées. Le ministère de la Défense, pour le moment, ne veut pas avoir recours aux techniques dites invasives, donc pas d'opérations chirurgicales ou implants. Chacune des augmentations feront l'objet d'analyses bénéfices-risques. La réversibilité sera également prise en compte et les augmentations ne devront pas aller à l'encontre du respect de la dignité de la personne ni porter atteinte à son libre arbitre. Et tout ça, la semaine de la sortie de Cyberpunk 2077. Coïncidence, je ne sais pas. Allez, en bref, Natacha, une étude parue dans Advanced Functional Materials décrit les prémices d'une combinaison d'invisibilité. Une équipe de Corée du Sud a mis au point une peau artificielle capable d'invisibilité, même pour des caméras thermiques. Les chercheurs se sont inspirés des calamars et des poulpes qui imitent la couleur et la température de leur environnement pour se camoufler. Alors, il s'agit de patchs de cristaux liquides thermochromiques. Les matériaux thermochromiques, vous les connaissez, ce sont par exemple ces tasses qui changent de couleur en fonction de leur température. Les chercheurs ont amélioré ces matériaux grâce à un courant électrique. Un patch a été placé sur une main qui se déplaçait sur différents arrière-plans. Les premiers essais sont plutôt concluants. C'est une preuve de concept, mais on est encore loin de l'avènement de l'homme invisible. Selon une prépublication parue sur le site Archive, il n'est pas exclu que le fameux signal WOW puisse être d'origine extraterrestre. Et le 15 août 1977, le radioscope Big Hear a capté un signal radio répétitif de 72 secondes, un signal si puissant et si inhabituel qu'il a été baptisé le signal WOW. Nous ne savons toujours pas quelle est l'origine de ce signal. Alors dans cette prépublication, un astronome a utilisé la carte 3D la plus détaillée de notre galaxie, celle réalisée par l'observatoire spatial Gaïa. Dans toute la région du signal WOW, l'astronome a découvert l'existence d'une étoile, une seule, qui est similaire au Soleil. Selon lui, cette étoile et les exoplanètes qui orbitent autour sont les meilleures candidates pour de futures études. La 28e édition du Festival international du film fantastique de Jarmé, dont France Culture est partenaire, aura bien lieu. Ouf, mais sur Internet, ah. Oui, crise sanitaire oblige, le plus grand festival de cinéma fantastique en Europe, qui se tient habituellement dans les Vosges, se tiendra intégralement en ligne. On peut lire sur le site internet, sur la toile, personne ne vous entendra crier. Un festival dématérialisé, avec toujours des avant-premières, des nuits décalées, des films cultes, des courts-métrages et des rencontres avec les invités. Le tout sur une plateforme dédiée. Les différents jurys seront aussi au rendez-vous. L'événement aura lieu du 27 au 31 janvier prochain. Une information qui n'a pas du tout attiré mon attention. Une nouvelle aventure de Goldorak en bande dessinée va paraître en 2021. Oui, un collectif d'auteurs français a imaginé de nouvelles épopées de Goldorak avec le soutien du créateur du héros, Go Nagai. Le mangaka a validé les différents storyboards. Alors c'est Xavier Dorisson qui a scénarisé l'histoire et chapeauté l'ensemble du projet. Alexis Santénac, Brice Cossu et Denise Brajam sont au dessin. Johan Guillot à la couleur. L'album de 180 pages devrait paraître en octobre 2021 aux éditions Cana. Denis Bajram. Pardon. Allez, vous êtes pardonné, Natacha, c'est Goldorak, c'est pour la bonne cause. On conclut ce journal, comme toutes les semaines, par notre rubrique de science improbable. Selon une étude parue dans The Royal Society Open Science, votre toutou ne comprend peut-être pas tout lorsque vous lui parlez. Et vous pensez que votre chien comprend tout hein, lorsque vous vous adressez à lui. Cette étude montre plutôt l'inverse. Des chercheurs hongrois ont observé l'activité cérébrale d'une quarantaine de chiens. Leur maître devait leur dire des mots familiers, par exemple « assis », puis des mots absurdes, mais phonétiquement proches, hein, comme « agli », et des mots absurdes qui ne se ressemblent pas. Les scanners des chiens montrent qu'ils ne peuvent pas distinguer les légers changements phonétiques. Malgré leur excellente audition, le vocabulaire auditif des chiens est limité. Contrairement à celui de Gaston. Merci beaucoup, Natacha. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi pour Merci. Le prochain Journal des Sciences. Shiny contemplait le désert dans la lumière du matin qui se découpait dans la faille au-dessous du siège Taber. Elle ne portait pas de distie et se sentait vulnérable, ici, au cœur des sables. Quelque part au-dessus d'elle, la grotte qui accédait au siège s'ouvrait dans la paroi tourmentée de la falaise, le désert. Il lui semblait maintenant que le désert l'avait toujours suivie, en tout lieu. Elle ne revenait pas chez elle, non. Elle se retournait simplement, et posait les yeux sur ce qui n'avait jamais cessé d'être là. Une crampe douloureuse lui serra le ventre. La naissance était proche. Elle lutta pour repousser la souffrance, parce que, en cet instant, elle désirait demeurer seule face au désert. La terre était figée dans le silence de l'aube. Des ombres se déployaient lentement sur les dunes et les terrasses rocheuses du bouclier. La lumière était encore tapie derrière un escarpement, sous le ciel bleu et pur. Le paysage tout entier correspondait à cette impression de cynisme redoutable qui la tourmentait depuis qu'elle avait appris que Paul était aveugle. « Que faisons-nous ici ? » songea-t-elle. Ce n'était pas là une hajra, un voyage de quête. Paul n'était rien venu chercher en ces lieux, si ce n'était un refuge où elle pourrait donner le jour à l'enfant. Les compagnons qu'il avait rassemblés autour d'eux étaient bien étranges. Bijaz, le nain Tleilaxu, Hate, le Gola, qui était peut-être aussi Duncan Idaho, Edric, l'ambassadeur de la guilde, la révérende mère Gaius Hélène du Bene Gesserit, qu'il haïssait entre tous, Lirna, l'étrange sœur d'Oseim, que les gardes ne quittaient jamais du regard, Stilgar, le Naïb, et son épouse favorite, Hara, ainsi que Rulan et Alia. Les souffles du vent entre les rochers accompagnaient ses pensées. Le désert, peu à peu, était devenue une mosaïque en camaïeu, jaune sur ocre, gris clair sur gris sombre, soufre sur orangé. Extrait du livre audio Dune, édité chez Lizzie, interprété par Benjamin Youngers, qui a été le lauréat du trophée de l'édition 2020. La musique que vous avez reconnue certainement, qui est la musique du film, a été réalisée, rajoutée par notre réalisateur Olivier Bétard. On pense souvent que c'est la musique de Toto. Pas du tout, c'est Brian Eno qui a composé cette musique de la prophétie. Et c'est donc, eh bien, on peut dire un peu la déferlante Dune depuis la rentrée. Une nouvelle traduction chez Robert Laffont par Renaud Guillemin. On salue au passage, préfacé, excusez du peu, par Denis Villeneuve, Pierre Bordage et postfacé par Gérard Klein. Un nouveau volume de la collection Parallax chez nos camarades du Bélial sous la direction de Saint-Roland Le Houx, d'une exploration scientifique et culturelle d'une planète univers. Un essai, d'une, un chef-d'œuvre de la science-fiction chez Dunod par Nicolas Allard. Sans oublier évidemment la somme, que dis-je, l'inévitable MOOC chez La Talente sous la direction de l'incontournable Lloyd Sherry. Il ne manque que le film, signé Denis Villeneuve, qui manque de bol, devait accompagner toutes ses sorties, mais a été repoussé à l'automne prochain pour cause de pandémie mondiale, mais dont la bande-annonce a déjà été décortiquée, analysée, démantibulée, plan par plan et image par image, on y reviendra. Bref, vous l'avez compris, vous n'avez pas d'autre choix que de passer cette fin d'année sur Arrakis, et c'est ce que nous allons faire tout au long de cette heure avec nos trois invités. Nicolas Allard, bonjour. Bonjour Nicolas. Professeur de lettres modernes, donc essayiste et auteur de ce Dune, un chef-d'œuvre de la science-fiction chez Dunod. Bonjour Jean-Sébastien Steyer. Bonjour. Voilà, paléontologue au Muséum National d'Histoire Naturelle, grand habitué de Parallax, Éminence Grise de Roland Le Houx et j'en passe, et auteur notamment évidemment d'un article, co-auteur dans cette anthologie Parallax d'une exploration scientifique et culturelle d'une planète univers au Bélial, et François Terrel, bonjour. Eh bien, bonjour. Et alias le fossoyeur de films sur YouTube. Tous trois, vous avez contribué également au MOOC. Ceci étant dit, eh bien, ce qui va nous intéresser au cours de cette heure, c'est la postérité universitaire ou intellectuelle, appelez-la comme vous le souhaitez, de cette saga de Frank Herbert, qui faisait écrire à Claude Aziza dans l'encyclopédie de poche de la science-fiction en 1986. Avant même de se lancer dans l'étude du cycle de Dune, il faut avertir le lecteur qu'il se trouve devant un monument littéraire à l'égal des plus grandes œuvres romanesques, poétiques ou dramatiques. C'est là sans doute le roman, l'épopée, qui interdit désormais de classer la science-fiction parmi les genres littéraires mineurs. Vous avez 4 heures, c'est parti. Nicolas, alors un commentaire. D'habitude, c'est moi qui propose des sujets c'est pour à ça mes que étudiants. Je voulais inverser les rôles un peu. Non, mais vous avez tout à fait raison. Frank Herbert, d'ailleurs, quand il a écrit Dune, a voulu justement, par la même occasion, élever le genre de la science-fiction. Il voulait vraiment que la science-fiction sorte de cette niche dans laquelle on avait tendance à la placer dans les années 50 et 60 et faire en sorte que ce soit justement de la grande littérature considérée en tant que telle. Mmh. Et il faut rappeler d'ailleurs que quand il a écrit Dune, il s'est beaucoup documenté et c'était un grand lecteur d'œuvres de littérature dite classique. Hein. Dès l'âge de 12 ans, il lisait Maupassant, Proust, Shakespeare. Donc, effectivement, Dune, c'est une des œuvres et qui a été reconnue comme telle au moment de sa publication, qui a permis à la science-fiction de s'élever, d'avoir un public qui était beaucoup plus large qu'auparavant. Jean-Sébastien Steyer, parce que on a déjà, c'est la deuxième émission que nous consacrons à Dune, et c'est vrai que Dune a une sorte de statut à part. On dit, sans qu'il soit tout à fait complètement possible de le vérifier, que c'est le roman de science-fiction le plus vendu au monde. Qu'est-ce qui distingue, selon vous, Dune des grandes sagas spatiales des années 60-70, par exemple? On est vraiment dans un roman univers, on est dans un monde très construit, où en fait le scénario principal est juste une histoire qui s'impose vraiment dans une construction complète d'univers. Et c'est ce qui fait vraiment la force de Dune, qui est avant tout une œuvre politique, mais aussi une œuvre écologique. Et ce qui est intéressant, c'est de décortiquer justement toutes les données factuelles de Dune pour essayer d'expliquer en fait les sciences, pour expliquer les méthodes scientifiques qui sont utilisé encore aujourd'hui en science. Mmh. François Terrel, quelle est à votre avis la spécificité de ce texte qui lui donne ce statut si particulier? En fait, on parle du texte comme s'il avait, si c'était un reste cohérent pendant toute la durée du cycle. Sauf que l'écriture aussi et la démarche de Herbert a pas mal évolué. Le premier tome, qui a donné lieu à deux adaptations au cinéma, c'est le plus entre guillemets cinématographique, même si l'écriture d'Herbert n'a rien de cinématographique. Il y a plus de mouvements, on est plus dans une intrigue un petit peu romanesque. On est toujours un petit peu dans ça dans les suivants, mais plus on avance dans le cycle, plus l'écriture devient abstraite, devient philosophique. Mm-hmm. Là, je suis en train de lire L'Empereur Dieu, qui est le quatrième tome en ce moment, et on est vraiment, c'est les pensées de Marc Aurèle, quoi. D'accord. Tous les personnages discutent entre eux comme des philosophes de l'Antiquité. Et c'est un style très, très particulier. L'écriture de Herbert, j'ai vraiment du mal à l'avoir développé ailleurs de la même manière parce que ça lui est extrêmement personnel. Là où d'autres auteurs de SF plus traditionnels, généralement il y a du mouvement, le dialogue est là pour, on va dire, faire la transition entre deux grands mouvements du récit ou deux scènes plus dans l'action. Herbert, c'est un petit peu l'inverse, j'ai l'impression. Généralement, ça m'arrive de m'emmerder sur ces descriptions qui sont vraiment quasiment souvent assez accessoires. Bon, bien sûr, tous les exégètes de Herbert vont me sauter dessus. Je crois que c'est déjà fait, le Twitter est en train d'exploser. Ouais. Je caricature volontairement un petit peu, mais généralement, en fait, l'action chez Herbert est dans la parole, dans vraiment les dialogues, dans ces échanges qui fusent. Et c'est pour ça que la voix, le concept de voix qu'on retrouve dans l'ordre du Bene Gesserit, et que dans son adaptation, Lynch a développé aussi à travers les modules étranges, qui sont des armes qui fonctionnent avec la voix. C'est un concept qui se déploie sur plein d'aspects différents, que ce soit abstrait, allégorique ou vraiment littéral dans le récit. Nicolas, alors peut-être un mot là-dessus. Effectivement, il y a une spécificité qui rend d'ailleurs, et c'est souvent le casse-tête des personnes et des réalisateurs qui ont voulu adapter Dune, cette voix intérieure, cette espèce de transformation de ce qu'on appelle le stream of consciousness dans la littérature britannique début 20e, qui est vraiment très très très particulière chez Herbert. Oui, il y a une sorte en fait d'accès qui est permis aux pensées des des personnages, une sorte de monologue intérieur, mais que l'on voit de manière très très fréquente. C'est-à-dire que presque à chaque page du premier tome de Dune, on a un texte qui est écrit en italique et qui nous donne accès non pas simplement à la pensée du personnage principal, Paul Atreides, mais à la pensée de beaucoup d'autres personnages. Et c'est tout à fait intéressant et c'est une des difficultés effectivement quand on cherche à porter Dune à l'écran, parce que ça impliquerait d'avoir recours à la voix off quasiment du début à la fin du film, ce qui actuellement paraîtrait un petit peu dépassé. Donc un petit peu démodé, ça a été une mode dans d'autres époques du cinéma. Alors pour essayer de faire une émission inclusive, même si je vais renvoyer les auditrices et les auditeurs qui n'auraient pas lu Dune, peut-être à la première émission que nous y avions consacrée, où on reparle vraiment plus en détail de ce que c'est, de la conception du livre. Là, j'aimerais vraiment qu'on aborde plus cette dimension, finalement, cette un peu transcendantale de la littérature, comme méta-objet de la littérature scientifique. Mais je vais vous donner un autre exercice à faire. C'est mon jeu du jour. Si vous deviez résumer Dune en une phrase, Jean-Sébastien Steyer. Allez. Et pas une phrase avec 17 verbes et 74 subordonnés. Hein. Une phrase, courte, ramassée. C'est un condensé politico-écologique et à la fois philosophique d'une planète-univers complexe avec des monstres qui sont des piliers de la science-fiction. Ouf. Pas mal, pas mal. François Terrel, même punition. Je dirais le mouvement dans l'immobilité. Parce que c'est ça, il y a plein de rebondissements, c'est ultra romanesque, mais c'est juste des gens qui discutent, quoi. Nicolas Allard, donnez-nous un peu un élément, juste deux trois éléments, peut-être de l'intrigue qu'on comprenne et que les gens qui nous suivent puissent suivre, même s'ils ne connaissent pas bien encore l'univers de Dune. Oui, alors donc Dune se passe en fait dans le futur de l'humanité. Le personnage principal s'appelle Paul Atreides, il a 15 ans au début de l'intrigue. Il est amené à quitter sa planète natale, la planète Caladan, qui est une planète qui est constituée principalement d'eau, pour se rendre avec sa famille sur la planète Arrakis, qui elle, que l'on appelle également Dune, qui est une planète constituée essentiellement de désert, hein, de sable. Et donc, il est issu d'une grande famille, puisque dans l'univers de Dune, on a plusieurs grandes familles qui s'opposent au sein d'un empire, l'Imperium. Et Paul, donc, avec sa famille, est amené à aller vivre sur Arrakis, une planète qui auparavant était le fief de leurs ennemis jurés, les Harkonnen. Et donc, c'est en réalité un piège qui est tendu à la famille Atreides, puisque avoir la possession de la planète Dune, c'est stratégiquement important, puisque se trouve sur cette planète une substance, l'épice, qui est la plus recherchée de tout l'univers. Elle confère un certain nombre de pouvoirs spéciaux et elle allonge la vie. Et en fait, Paul va se retrouver avec sa famille complètement pris au piège, et il va devoir justement essayer de trouver des solutions pour tout d'abord survivre et puis ensuite se venger, puisque effectivement sa famille va être confrontée à des problèmes extrêmement graves. C'est vraiment la structure d'une tragédie grecque, en fait. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Et Frank Herbert, de toute façon, ça commence par l'assassinat de quasiment toute la famille Atreides, sauf Paul et sa mère. Oui, oui. Et le nom Atreides, d'ailleurs, il faut le rappeler, vient de Atrée, hein, qui est un personnage tristement célèbre de la mythologie grecque. Et Frank Herbert s'est beaucoup, beaucoup inspiré, effectivement, des tragédies grecques. Dune est pensée comme cela. Il faut rappeler également que dans cette histoire, on a également la dimension de tragédie familiale, puisqu'on apprend au cours du récit, sans dévoiler trop l'intrigue, que les Harkonnen et les Atreides ne sont peut-être pas si éloignés que cela dans leurs liens familiaux. On a promis de ne pas avancer trop loin dans les révélations sur l'intrigue de Dune pour laisser le plaisir formidable de la découverte de cette saga. Peut-être un mot, Jean-Sébastien Steyer. En fait, Dune à sa publication n'a pas rencontré un grand succès public, mais tout de suite le texte passionne les universitaires. Quelle est, à votre avis, la substance de cette saga qui fait que d'un seul coup, on lui a reconnu une sorte de poids littéraire, théorique, qu'on ne reconnaissait pas jusqu'alors à la science-fiction, et qu'on a toujours un peu de mal à reconnaître d'ailleurs. Je pense la densité en fait de toutes les données factuelles qui sont injectées dans cette espèce de quête effectivement presque mythique ou mythologique, et c'est cette masse en fait de données qui a beaucoup excité et qui excite encore les universitaires aujourd'hui, la preuve. C'était assez nouveau en fait en science-fiction. On trouvait déjà ça chez Tolkien notamment, mais dans un autre registre de la culture des mondes imaginaires, à savoir l'héroïque fantasy, mm-hmm. ou le médiéval fantastique en général, on va dire. Et c'est vrai qu'Herbert s'en inspire un petit peu. D'ailleurs, dans certaines éditions de Dune, il joint une carte qu'il a fait lui-même et qui est inspirée, il l'avoue, en fait, de la carte de la Terre du Milieu. Donc, on retrouve, en fait, chez Herbert, cette espèce de d'ultra-précision qui fait qu'on a encore plus de facilité à rentrer dans cet univers, à pénétrer dans ces scénarios qui sont fictifs, mais qui sont bourrés en fait de données presque scientifiques. On va revenir sur la place de la science. C'est Roland Lehoucq qui rappelle d'ailleurs dans le volume Parallax que les mots livre univers et planète opéra, je crois, ont été créés pour Herbert, pour Dune après Dune, et ensuite ont été appliqués rétrospectivement à d'autres travaux. Nicolas Allard, vous le disiez, Brian. Alors là aussi, on sait que il y a une partie de légende dans tout cela, mais le fils de Frank Herbert qui a continué donc à écrire des volume de la saga qui a prolongé la saga de son père, Brian, a écrit un livre sur son père aussi, dans lequel il raconte que le travail de documentation de Frank Herbert est titanesque, c'est-à-dire qu'il a passé 3 ans à lire, et à lire vraiment à peu près tout, de la philosophie à la géologie, enfin... Vous pouvez nous expliquer c'est ça un considérable. Peu Il a lu plus de 200 livres différents pour composer Dune. Ça va de la littérature la plus classique à la littérature de science-fiction. C'est un lecteur notamment de Jules Verne et de H.G. Wells. Mais il lisait également beaucoup de textes de philosophie, de psychologie. Il était passionné de psychologie. Des textes d'écologie également, de géologie. Bref, c'est quelqu'un qui était extrêmement éclectique. Et il a également lu beaucoup de textes qui traitaient du monde arabe. Puisqu'on retrouve cette dimension-là dans Dune. Notamment les 7 piliers de la sagesse de celui qui deviendra Laurence d'Arabie. Exactement, et au point d'ailleurs que au moment où il écrit Dune, il était capable de s'exprimer en arabe. Donc c'est vraiment allé très très loin ce travail de recherche. Et en fait, Frank Herbert, c'était quelqu'un qui avait une extrême curiosité intellectuelle, et on la ressent non seulement cette curiosité dans le premier tome, mais dans les autres tomes. C'est quelqu'un qui vraiment ne limite pas la littérature, et c'est peut-être une des réponses justement à cette évolution de la science-fiction permise par Dune. C'est quelqu'un qui ne se limite pas à la science ou à la littérature, qui va élargir à la philosophie, à la psychologie et à différents domaines. Le point de départ, là aussi, tel qu'il est raconté et par Herbert et par son fils, c'est donc finalement des travaux, parce qu'on oublie que Herbert a commencé sa carrière un peu dans la politique, qui s'intéressait à diverses choses, et notamment il s'est passionné, il avait voulu écrire, je crois, un article, mais a priori pas fictionnel, un article sur une dune particulière, c'est la dune d'Atlanta dans l'Oregon, et comment finalement la technologie humaine empêche la progression du sable. Jean-Sébastien Steyer ? Oui, c'est ça. En fait, il avait une commande journalistique, celle d'écrire un article très factuel et très géomorphologique sur les dunes de l'Oregon qui sont maintenant classées quasiment parc national, enfin l'équivalent de nos parcs nationaux à nous. Et il s'est passionné pour ces grands systèmes dunaires, sableux, subdésertiques. Et il n'a jamais finalement accouché de cet article-là, par contre. Il a puisé dans cet univers très minéral pour écrire Dune. François Terrel, Laurence d'Arabie, évidemment, quand on connaît Dune, quand on a vu le film, quand on a fréquenté Paul Atreides et ses différentes expressions, quel lien vous faites-vous entre le film avec Peter O'Toole et éventuellement Dune et les adaptations, si vous le souhaitez ? C'est un peu un passage obligé, hein. Laurence d'Arabie, dès qu'on s'intéresse au sable et au cinéma. Et aux yeux bleus. Aux yeux bleus et à la musique complètement épique. Ouais. Dont Toto c'est forcément inspiré, même si c'est pas du tout le même type de sonorité qui est développé, mais il y a une sorte de souffle. En fait, on revient à cette notion de souffle et à ce vent qui balaye les dunes. Après, on est dans deux contextes complètement différents, mais c'est vrai que, comme vous le disiez avec mes éminents collègues, il y a cette finesse aussi d'analyse politique qui est là, et ces intrigues. Et en fait, par rapport aux adaptations cinématographiques, Laurence d'Arabie, c'est une fresque très longue, qui a été faite à une époque particulière, qui serait pas faite de la même manière aujourd'hui, loin de là. C'est d'ailleurs dommage. 218 minutes, le film de David Lean. Exactement. Mm. Selon les, d'ailleurs, il y a peut-être plusieurs versions. Hein. Faudrait que je revérifie. Mais et Dune, bon, on est plus dans un film de science-fiction qui doit être vendu comme un film de science-fiction. Donc il y a moins d'espace, il y a moins de place pour développer certaines thématiques et notamment le vague à l'âme qui s'empare du héros. Parce que en fait, c'est chaque fois on fait face à une figure messianique qui va poursuivre un rêve, qui va poursuivre en fait sa destinée. Et cette destinée va se rendre compte que finalement, c'est pas aussi aussi écrit, aussi imaginé. C'est ça. Et il y aura toujours un retour du bâton assez dur. Sauf que, en fait, c'est ce qui se passe. On le voit dans la saga de Dune parce que il devient cette espèce de figure messianique de Muad'Dib. Et on va se rendre compte dans le Messie de Dune, le récit après, que finalement c'est une malédiction pour lui, parce qu'il se retrouve en fait à la tête d'une sorte d'empire qui lui a complètement échappé, et qu'en tant que leader, en fait, il y a ce vague à l'âme du leader qui ne devient qu'une sorte d'effigie en carton de lui-même, qui devient juste un prête-nom, qui est complètement dépassé par ses créations. On voit ça aussi à la fin de Lawrence d'Arabie, dans une façon différente, mais il y a toujours ce vague à l'âme, et on se rend compte que l'homme s'est fait bouffer par son rêve, très littéralement. Donc finalement, ouais, il y a vraiment ces trajectoires croisées. Et en fait, dans l'adaptation de Lynch, de 84, que Lynch a complètement désavoué. Dont on rappelle qu'il n'a pas eu le montage final. Enfin bref, on pourra en redire un mot tout à l'heure éventuellement si vous voulez. Exactement. Et sauf que cet aspect, hélas, est complètement sorti du film. La fin se termine sans ambiguïté. Paul devient le Messie, il devient cette espèce d'être tout puissant qui d'un seul coup fait pleuvoir sur Dune, parce que pourquoi pas. Donc on sent bien que le film a ses qualités, mais on sent bien que notamment sur la fin, il y a une sorte de... Le film a été bâclé pour toutes sortes de raisons et toutes sortes d'interférences, et qu'il n'y a pas eu du tout le temps ni l'espace de développer cette ambiguïté qui est au cœur pourtant de Herbert. Bien sûr, et surtout du Messie de Dune. On rediscutera de l'impossible adaptation de Dune, enfin on n'a pas encore vu le Villeneuve, mais on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est compliqué d'adapter cinématographiquement ce monument. Vous vouliez réagir, je crois, Nicolas Allière, sur les liens avec Lawrence d'Arabie. Simplement aussi pour l'anecdote, il faut savoir que le premier réalisateur envisagé pour réaliser donc Dune, l'adaptation, c'était David Lean, justement, après Lawrence d'Arabie. Donc effectivement, on voit bien que c'était Ridley Scott, le premier. C'était d'abord David Lean. Oui, okay. D'abord David Lean. Et donc, on voit bien effectivement la filiation. Et d'ailleurs... Frank Herbert, dans un premier temps, était ravi de ce choix. Donc voilà, c'était simplement pour ajouter cette petite anecdote. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h30, nous parlons donc de Dune tout au long de cette heure en compagnie de Nicolas Allard, François Terrel et Jean-Sébastien Steyer. On redonnera tous les ouvrages à la fin de l'émission parce que il y en a pléthore. J'aimerais qu'on parle un peu justement des thématiques qui font Dune, parce qu'on dit beaucoup, Jean-Sébastien Steyer, vous l'avez répété, on entend depuis le début, livre écologique, livre politique, avec une mystique ou en tout cas une métaphysique assez puissante aussi. Alors ça c'est vraiment une réflexion personnelle, à chaque fois que je prends l'un de ces adjectifs-là, et notamment sur la notion de grande saga écologique, je n'arrive pas à m'empêcher non seulement d'avoir le sentiment que c'est quand même limité très nettement la portée de Dune, mais surtout que c'est tout de même un peu anachronique, Jean-Sébastien Steyer. Ça paraissait un petit peu anachronique à l'époque, parce que les écologues ou écologistes, en fait, étaient un peu considérés comme des hippies, mais c'est d'actualité aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'y a pas que les sciences au sens large, en fait, dans Dune, il y a toute la portée importante de la littérature de science-fiction. Moi, ce que j'ai retenu, c'est l'importance, en fait, de la description de cette planète qui est vraiment cernée de A à Z. En fait, Frank Herbert a vraiment imaginé jusqu'au grain de sable, en fait, la composition de sa planète avec des habitants, une faune, une flore, des cycles de vie, des liens entre les espèces extrêmement importants que l'on découvre finalement encore aujourd'hui en termes de science. Peut-être faut-il penser aussi, et c'est ce vers quoi je voulais vous amener, vous allez nous parler un peu justement des travaux que vous avez faits sur votre article dans le bouquin de Parallax, mais de l'écologie vraiment au sens en fait quasiment étymologique, c'est-à-dire qu'il pense d'une comme une écologie, c'est-à-dire comme un écosystème extrêmement complexe, extrêmement intriqué, et dont qui va être bouleversé à partir du moment où on commence à intervenir à n'importe quel de ces endroits ou de ces extrémités. Oui, c'est ça. En fait, on a un écosystème global où toutes les espèces sont connectées et où, en fait, l'homme va commencer à chambouler tout ça. Et d'ailleurs, il parle d'écologie dans son œuvre. Il dit que la plus haute fonction de l'écologie est la compréhension des conséquences. Et on voit l'importance aussi de la notion d'écologie au niveau politique. Et donc, on a en fait des écosystèmes qui sont enchevêtrés les uns dans les autres avec une biodiversité complexe, quelques plantes quand même si la planète est très désertique, très chaude et très aride. On a des faucons, on a des ânes du désert, des renards à poche et on a ces fameux vers géants qui produisent en fait de par leur cycle de développement l'épice. Et cette épice est évidemment très convoitée dans l'univers, puisque celui qui maîtrise l'épice maîtrise aussi les voyages dans l'espace. L'épice permet d'avoir en fait une sorte de super conscience, une sorte de préscience. Et donc on rentre en fait petit à petit dans cet environnement hostile et on apprend que les vers géants ont plus de 400 mètres de long, avec 80 mètres de diamètre. Alors ça pose des questions en termes de biomécanique, on peut s'amuser, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, à décortiquer le cycle de développement des vers géants, un petit peu comme je décortique un fossile entre deux strates sédimentaires, je m'amuse à repérer en fait des caractères morphologiques pour étudier en fait les formes de vie qui sont décrites dans les œuvres de fiction, et j'en suis arrivé finalement rapidement à la conclusion que les vers géants des sables sont viables en tant que vers géants, mais pas dans le sable. En fait, ces formes de vie-là seraient très très plausibles finalement, mais dans des écosystèmes marins ou océaniques en tout cas. Ce qui est pas inintéressant, parce que c'est un peu ce que vous développez dans votre article, c'est l'idée que vous remontez aussi et vous faites un peu de géochronologie de la planète Arrakis. Peut-être qu'on en discutera dans un instant, mais j'aimerais qu'on reste un peu sur cette notion de grand roman ou de grande saga écolo ou écologiste. Herbert aurait a priori Nicolas raccourcit sur les conseils de John Wood Campbell plusieurs passages qui étaient explicitement consacrés à l'écologie. Oui. Moins 40 000 mots, ce qui est pas rien. Oui. Oui, tout à fait. Et notamment le planétologiste impérial qui a vu son rôle très très largement amputé. Oui, parce qu'en fait, il avait vraiment envie d'écrire un texte écologique. Et d'ailleurs, la même année où Dune est publiée, il a écrit un autre texte qui s'appelle Le cerveau vert en français, qui est un texte explicitement écologique. Donc c'est une thématique qui est très importante à ses yeux. Il est né et il a grandi dans une ville qui s'appelle Tacoma, qui est une des plus polluées des États-Unis. Son meilleur ami, Howard Hansen, était un Amérindien. Il ne cessait de parler justement du rôle de l'homme dans l'écosystème et des dégâts que son action pouvait causer. Donc, Dune est réellement un roman écologique, mais Frank Herbert ne voulait surtout pas le limiter à cette seule thématique-là. Mmh. Et c'est pour cela donc qu'il a réduit effectivement cette dimension écologique pour y laisser plus d'importance à la dimension politique également. Mmh. Et il voulait notamment nous avertir de deux dangers, d'après lui, très importants. Le premier, c'est le mélange entre la religion et la politique. Et le deuxième, c'est le danger qui consisterait à accorder trop d'importance politiquement à un héros ou à un personnage de type héroïque. Ce que décrivait tout à l'heure François Terrel. On va revenir sur ces liens entre religion et politique. Et ce que je trouve ça finalement peut-être certainement plus fécond. Ce que je voulais dire sur l'écologie, c'est pour que les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent n'aient pas le sentiment qu'il s'agit d'une saga ou d'un roman à thème. Non, c'est vraiment pas le cas. C'est inspiré effectivement, et c'est pour ça que je voulais vous entendre là-dessus, Jean-Sébastien Steyer, c'est que il y a vraiment une notion de ce qu'est un écosystème, et on sent qu'effectivement, même dans le cycle de vie, de reproduction des vers et de l'épice, on sent que tout ça est intriqué, que ça a été vraiment pensé de manière quasiment naturaliste en quelque sorte. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que avant tout, Herbert voulait faire une œuvre politique en montrant que le pouvoir corrompt. Oui. Un petit peu comme Tolkien voulait montrer lui aussi que le pouvoir symbolisé par l'anneau unique corrompt finalement. Mmh. Alors, le fils d'Herbert, à développer en fait cette thématique, puisque dans l'arc narratif, Paul passe du stade, on va dire, de Messie à celui de tyran. Christopher Tolkien, le fils de l'auteur du Hobbit ou du Seigneur des Anneaux, n'a pas, comment dire, développé ou étendu son œuvre. Il a consacré sa vie et c'est tout à fait louable en fait à éditer les travaux de son père. Il aurait pu, par exemple, imaginer un Aragorn complètement tyrannique qui pète un câble dans le Gondor, par exemple. Mmh. Mais voilà, en fait, c'est vrai que Dune, c'est une œuvre avant tout politique où Herbert a pris soin de, entre guillemets, blinder en fait son écosystème global Arrakis pour asseoir en fait une sorte de rite à la fois initiatique et avec une connotation politique très marquée. C'est le camarade Laurent Genefort hein, qui dit « Ceux qui ont fait Dune après lui n'écrivaient plus Dune, il parle de Frank Herbert, Dune s'arrête vraiment à Herbert, c'est ça qui fait la spécialité du livre-univers ». Genefort peut en parler du livre-univers, il s'y connaît un peu dans ce rayon-là. Sans l'auteur, ce n'est plus un livre-univers, cela devient un simple cycle de planète-opéra. À la base du livre-univers, il y a un auteur-univers, plus on avance dans le cycle, plus la part de l'auteur apparaît et se dévoile. C'est ce que vous disiez d'ailleurs un peu tout à l'heure, François Torel. C'est pour ça qu'il y en a tellement peu, alors qu'il y a tellement de cycles. C'est une planète, mais aussi une poétique. J'aimerais qu'on parle justement de ce que vous évoquiez à l'instant, Nicolas Allard, à savoir la religion, la politique, et ce qui est peut-être effectivement la volonté première, ou en tout cas le fil, la locomotive de cette saga Dune, parce que évidemment on ne peut pas parler de Dune sans parler de mystique. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Alors ça, c'était au cas où vous n'aviez pas compris que vous écoutiez France Culture et qu'on consacrait une émission à Dune. Mais moi, ce que je voulais vous faire entendre, ça n'est pas tout de suite, parce que manifestement, on va l'entendre dans quelques instants. On voulait vous faire entendre un petit extrait du film de David Lynch de 1984. Ce qui est intéressant, peut-être, par où on peut commencer, Nicolas Allard ? On peut se dire que ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où on parle d'une mystique ou d'une religion, d'une conception de la religion, on voit très vite finalement les critiques des grands monothéisme assez habituel et parfois un peu facile pour le dire avec gentillesse. Mm-hmm. Chez Herbert, c'est vraiment pensé de manière au contraire d'une façon complètement syncrétique. Oui, tout à fait, tout à fait, puisque on est dans un univers finalement où toutes les religions que nous avons actuellement seraient quasiment mêlées. Hein. Il y a un livre qui réunit tout cela qui s'appelle la Bible catholique orange, et donc Frank Herbert n'a pas voulu, comme vous le disiez, faire une critique pure et simple du monothéisme ou des monothéismes. Son idée, c'est davantage de montrer à quel point finalement ce qui peut paraître séduisant dans un premier temps, c'est le cas de la religion, ça peut être le cas de la politique, doit au contraire nous amener à faire preuve d'une grande clairvoyance et même d'une certaine méfiance. Et on sait qu'il a écrit Dune notamment parce qu'il espérait inspirer les leaders de demain, donc il y avait quand même une visée politique dans son écrit, en se disant que justement il fallait totalement se détacher maintenant de cette idée selon laquelle la politique ne devait pas être remise en cause, devait toujours amener un changement positif au monde, donc il fallait vraiment la considérer avec un certain scepticisme. Et on le voit bien avec le parcours de Paul, effectivement, qui est tout à la fois pour le peuple des Fremen, qui, rappelons-le, donc est le peuple local de la planète Arrakis. Autochtone, oui. Voilà, il est tout à la fois un messie, mais également un grand leader politique. Et Frank Herbert, c'est peut-être en cela aussi que Dune est un roman très intéressant à cette époque-là, parce qu'il développe beaucoup, finalement, dès le premier tome, l'idée quand même d'anti-héros, ou en tous les cas, que l'on doit se méfier de ce qui est héroïque, de ce qui paraît être divin, puisque Paul a un certain nombre d'aspects ou de traits qui peuvent rappeler un dieu. Et donc, c'est un roman, justement, qui fait beaucoup réfléchir le lecteur aussi. Je pense que c'est une des raisons de son succès, c'est que l'on est amené, on est emporté par ce grand roman d'aventure, mais en même temps, on ne cesse de s'interroger à mesure que l'on suit les aventures de Paul Atreides. On a réussi à rebrancher la machine dans le bon sens, donc on va pouvoir écouter. Jamais une goutte de pluie sur Arrakis. Le dormeur doit se réveiller. Ils m'appelleront Muad'Dib. « Écoutez-moi. Écoutez. Vous vouliez tout savoir de mes rêves. Eh bien, je viens de faire un rêve éveillé. Savez-vous pourquoi ? L'épice. Il y en a partout ici. Calme-toi, je t'en prie. C'est la drogue des diseuses de vérité. Un poison. Vous saviez que l'épice me changerait. Mais grâce à votre enseignement, ce changement a touché ma conscience. Et je vois. Je vois désormais. Est-il l'élu ? Mère, vous portez ma future sœur en votre sein. Il sait. Mon père ! Mon père, je vous promets qu'un jour, le dormeur s'éveillera. Et que je vengerai votre mort. Je ne m'arrêterai pas avant d'avoir détruit l'empereur et le baron. On parlait tout à l'heure, donc extrait hein, de l'adaptation de David Lynch en 1984. On parlait tout à l'heure du drame antique que réeffectue Dune. La question que je voulais vous poser à tous les trois, peut-être en commençant par vous, François Terrel, c'est dans l'extrait qu'on entend, on l'a dit, voilà, le père, le roi juste assassiné, l'exode, la fuite avec la mère, puis d'un seul coup la notion d'élu, c'est ce personnage qui a tout perdu, qui va tout reconquérir, qui va devenir le leader du peuple légitime. Dit comme ça, on a vraiment l'impression qu'on est en train de dérouler un tapis de topos et de lieux communs de la littérature d'aventure. Qu'est-ce qui fait que chez Herbert, c'est plus que ces lieux communs qu'on peut réduire comme je viens de le faire ? Exactement, en fait. Je crois que chez Herbert, il y a cette volonté de montrer ce qu'il y a derrière les symboles. Je crois que c'est ça qui est intéressant. C'est que chaque fois que Herbert utilise un code, un trope, ou quelque chose qui pourrait devenir un cliché, il montre l'envers du décor. Est-ce que ça pourrait devenir ? Tout est ambigu, en fait. Même la figure des prophéties. Les prophéties qui annoncent le fameux Messie, Mouadib, enfin celui qui va libérer les Fremen, et ainsi de suite. C'est des prophéties qui sont implantées par le Bene Gesserit. Mmh. C'est ça qui me fascine aussi chez Herbert, c'est que, en termes de livre-univers, on n'est pas uniquement sur une sorte d'énormité spatiale. On est sur une énormité du temps long. Mmh. Je précise que les Bene Gesserit, je précise juste pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec l'univers, les Bene Gesserit, c'est cet ordre de femmes qui maîtrise la population, qui permet justement de contrôler les naissances et qui est une sorte d'ordre matriarcal avec un certain pouvoir et qui va être finalement un peu bousculé dans son équilibre justement par l'apparition de Paul Mouadib. Voilà. Exactement. Et du coup, en fait, sur le temps long, cet ordre crée des prophéties sur certains mondes qu'elles pourront utiliser, manipuler, justement pour se servir des symboles comme d'une arme et arriver à leur fin. Et en fait, tirer les ficelles du temps long et les intrigues sur le temps long. Et tout, en fait, dans le récit devient ambigu. Même l'épice est, bien entendu, l'épice est ultra ambigu. C'est à la fois le nerf de la guerre. Mais on parlait d'écologie tout à l'heure. J'aime bien le fait que les thématiques chez Herbert soient très, très fouillées. Et qu'il y ait une complexité d'analyse, une finesse d'analyse, mais qu'on en revienne aussi à des schémas qui sont très très simples. Mmh. Le dilemme absolu de l'épice, c'est que, en fait, elle est née de la douleur. Et si on veut faire de Dune un monde sain, habitable et accueillant, il n'y aura plus d'épice. Il y a ce truc, en fait, aussi derrière l'écologie de, ok, c'est pas juste une utopie naïve, il faut donner de soi, il faut faire certains sacrifices. Il y a toujours cette notion de, il y a ça, mais. Et c'est ça qui est intéressant chez Herbert sur absolument tous les aspects qu'il développe. Mmh. C'est qu'on a toujours cet envers. Jean-Sébastien Steyer, justement, quelle est votre opinion là-dessus ? Comment Herbert arrive à transfigurer finalement ce schéma narratif pourtant extrêmement classique et vu, revu et connu par cœur finalement ? Oui, Herbert en fait a vraiment observé, trituré tous ces scénarios, tous ces personnages dans tous les sens. Pour vraiment peser en fait tous les côtés possibles, on n'est pas dans une sorte de soupe en fait manichéenne à la Disney ou à la Star Wars. On a un élu malgré lui, on a un héros malgré lui, on a une planète qui évolue en fait presque malgré elle, j'ai envie de dire. Donc on voit que tout est changement finalement dans Dune, et c'est ce qui fait la force aussi de l'œuvre. Nicolas Allard, sur je parle au professeur de littérature que vous êtes, sur cette structure narrative extrêmement classique, comment Frank Herbert arrive à en faire quelque chose de plus? Ben, je crois que aussi faut parler d'une autre thématique qu'on n'a pas abordée jusqu'à maintenant, c'est que c'est une grande œuvre féministe et que là aussi ça permet justement de repenser le modèle du roman d'aventure, qui est un modèle assez ancien puisque ça existe depuis le 19e siècle à peu près, très pratiqué ensuite par Jules Verne à la fin du 19e siècle, et les femmes sont très souvent absentes en fait, ou alors c'est la récompense finale du héros, elles sont parfois présentées malheureusement comme des potiches, alors que dans l'univers de Dune ce n'est pas du tout le cas. Il y a donc ce fameux ordre des Bene Gesserit qui, si on voulait synthétiser ou simplifier, serait presque l'équivalent des chevaliers de Jedi dans le domaine de Star Wars justement. En un chouïa plus austère. Voilà, c'est ça, un peu plus austère, quoique. Ouais, quoique. Et effectivement, et donc c'est une manière de montrer que les femmes sont puissantes, qu'elles ont le pouvoir. Dans mon livre, justement, je montre que le personnage dont on entend le plus la voix intérieure, ce n'est pas Paul Atreides qui est le personnage principal, c'est Jessica, sa mère. Donc, on a plusieurs femmes fortes dans cet univers, et je crois que c'est une manière, justement, de repenser totalement ce modèle du récit d'aventure. Si on prend Indiana Jones, par exemple, on reste dans ce schéma assez classique où les femmes ne sont pas aussi fortes que dans cet univers, alors que dans Dune, c'est une constante, et il y a des femmes qui ont justement des qualités extrêmement différentes. Elles ne sont pas toutes sur le même modèle. Et je crois que c'est vraiment un point intéressant. Si on termine simplement sur le rôle de Jessica Atreides, donc la mère de Paul, elle fait même preuve d'une clairvoyance vis-à-vis de l'intrigue, vis-à-vis des actions des personnages, qui est plus forte que son fils par moment. Donc voilà, je crois que c'est aussi comme ça que Frank Herbert a su renouveler également ce vieux modèle du roman d'aventure. Je vous confirme, j'ai revu Les Aventuriers de l'Arche Perdue il y a pas longtemps. Le personnage féminin, c'est pas une bonne idée de faire un film quand on est en pleine procédure de divorce, manifestement. Un mot pour avancer. Il nous reste un peu moins d'une dizaine de minutes. J'aimerais bien, alors, parce que effectivement, il y a ce lien qui est très fort entre la religion, la politique et la science, hein, parce que Herbert écrivait, la religion participe souvent au mythe du progrès qui nous protège d'un futur incertain. Et on lui reprochait souvent que Dune, pour de la science-fiction, soit un livre très ascientifique. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas? Oui, parce que en fait, Dune, c'est à la fois un grand texte de science-fiction, mais c'est en même temps un texte qui a des éléments qui rappellent la fantasy. Et d'ailleurs, souvent, on peut le qualifier d'ouvrage de space fantasy. Il y a cette dimension-là, il y a une dimension magique et scientifique qui vont de pair et qui font que le texte est souvent assez inclassable en réalité. On peut pas tout à fait considérer que c'est un texte de pure science-fiction. Ce n'est pas pour autant de la fantasy. On n'a pas des magiciens en tant que tels. Et donc, c'est vrai que là, c'est, je crois, une des complexités de cet ouvrage. C'est un peu l'objet de notre discussion depuis le début. C'est qu'on ne peut pas le classer dans une catégorie. Ce n'est pas qu'un roman écologique, ce n'est pas qu'un roman politique, ce n'est pas qu'un roman féministe. Et donc, ce n'est même pas un roman de science-fiction pur et dur en tant que tel. Herbert écrivait justement, quand on lui disait que son manuscrit manquait de science, il écrit « La science dans mon livre couvre essentiellement un champ de vision large, l'édification des appareils politiques, la transformation d'une planète tout entière, la religion, la transformation donc d'un peuple tout entier, sans s'attarder sur des outils spécifiques, même si je suis surpris que tu ne considères pas que le distill soit nouveau et joue un rôle essentiel. Et justement, les personnages sont traités comme des outils écologiques, ce qui fait que nous portons ici un regard différent sur la science. » J'aime bien cette citation parce que je pense que ça dit vraiment toute l'ambition de Frank Herbert. Jean-Sébastien Steyer, un mot à ce propos? Oui, tout à fait. En fait, c'est une sorte de méga synthèse scientifique, puisque on a de l'écologie, on a des sciences humaines et sociales avec la politique entre autres, on peut faire de la linguistique aussi, donc c'est une sorte de la biologie aussi, y compris de la biologie du développement, de la génétique également, et j'en passe, de la chimie bien sûr avec l'épice. Donc en fait, Herbert a pris soin de vraiment synthétiser toutes les disciplines possibles présentées. Pas en plus sous forme didactique, c'est ça qui est super en fait dans Dune, c'est que on apprend en même temps des notions scientifiques qui sont réelles et qui sont existantes aujourd'hui, en découvrant en fait les personnages petit à petit, en découvrant l'intrigue, sans forcément faire des efforts pédagogiques. On pourrait presque dire, mais on n'aura pas le temps de l'aborder, parce qu'il faut rappeler aussi pour nos auditrices et nos auditeurs que Herbert évacue complètement, entre guillemets, le côté scientifique en disant, les machines se sont révoltées, on les a matées et on n'a plus le droit de faire de robots ni d'intelligence, donc maintenant on n'est plus qu'entre humains et c'est le début du djihad butlerien. On va terminer par ce qu'on appelle le douloureux problème des adaptations. Il se passe quelque chose en moi. Quelque chose s'éveille dans mon esprit, je n'ai aucun contrôle dessus. Qu'est-ce que tu as vu ? Une croisade se prépare. Tu rêves souvent de choses qui se réalisent, telles que tu les avais vues ? Oui. L'épreuve est simple. Si tu retires ta main de la boîte, tu mourras. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? La souffrance. La souffrance. Pauvre Paul Atreides qui va avoir très mal à la main dans quelques secondes. Extrait donc de la bande originale, de la bande annonce, pardon, de la future adaptation de Denis Villeneuve qui devait sortir donc cet automne, qui est repoussé à l'automne prochain. François Teurel, peut-être le mot de la fin parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que c'est possible d'adapter Dune au cinéma ? Parce qu'on parle de Dune, il y a eu une série, il y a eu une mini-série qui était développée pour la télévision, qui a des qualités, qui a aussi un certain nombre de défauts. Là, Denis Villeneuve s'y colle. À votre avis, est-ce que c'est mission impossible ? Non, c'est pas mission impossible. C'est pas possible d'adapter Dune dans son entièreté au cinéma, au sens de son foisonnement, mais c'est possible d'adapter certains aspects de Dune et d'en faire une œuvre vraiment intéressante à partir de ça. Et Denis Villeneuve, il a vraiment une position très particulière aujourd'hui dans l'industrie du cinéma. Mm-hmm. C'est que c'est vraiment un mec qui a réussi à être dans la machine tout en restant un auteur vraiment avec ses thématiques personnelles et un rapport au temps. Et ça, c'est ça qui est super intéressant, qui est vraiment personnel. Quand on voit Blade Runner 2049, le film qu'il a fait juste avant, c'est un film avec un énorme budget, c'est la suite d'un film culte, il y avait vraiment énormément de pression sur ses épaules, et il réussit quand même, au milieu de la grosse machine, à imposer sa notion du rythme, à imposer en fait quelque chose qui est complètement contraire au canon actuel grand public, avec un surdécoupage, avec un rythme épileptique. Il prend tellement son temps, il veut tellement prouver que c'est un auteur au sein de la machine que parfois, il va dans l'extrême inverse. Il y a certains, j'adore Blade Runner 2049, mais il y a certains passages qui sont presque qui deviennent presque ennuyeux à cause de ça. Donc, c'est quelqu'un qui a une finesse de regard quand même qui est incroyable. Et si j'en crois les interviews, il a un rapport quand même très spirituel et très intense, même à l'élément du désert. Mmh. Donc, je sais que c'est un énorme budget, il y a énormément de pression sur ses épaules, donc forcément, ça sera un film plus, entre guillemets, formaté. Normalement, ils veulent le faire en deux parties, hein, si les infos sont toujours bonnes. Ouais. Je sais pas s'il y a certains aujourd'hui. Non, ça, au niveau de cinéma, on sait plus trop. Un mot, justement, rapidement, Nicolas Allard, vous avez confiance? Est-ce qu'on peut adapter Dune? Est-ce que adapter Dune, c'est faire un choix et c'est donc forcément perdre une partie de l'œuvre? Oui, forcément, hein, ce sera toujours une trahison, mais comme pratiquement toutes les adaptations. Toute adaptation est une trahison, oui. Exactement. Oui, tout à fait. Et, par ailleurs, Denis Villeneuve est un très très bon connaisseur de Dune. Il a l'habitude également d'adapter des œuvres littéraires au cinéma. C'était le cas, par exemple, avec Premier Contact. Avec Arrival de Ted Chiang, que nous allons recevoir vendredi prochain, figurez-vous. Bon, et bien ça tombe bien, j'ai prévu là la transition. Voilà, donc non, je suis plutôt confiant, et puis le fait de lui donner la possibilité de faire un film en deux parties, ça va vraiment être très profitable à Dune. Merci beaucoup à tous les trois, merci Nicolas Allard, Jean-Sébastien Steyer, François Teurel. Alors je refais la liste, hein, parce que vous n'avez que le choix, vous pouvez faire un Noël 100% Dune si vous voulez cette année. Il y a donc la nouvelle traduction de Renaud Guillemin chez Robert Laffont, le Dune Exploration scientifique et culturelle d'une planète univers chez Parallax au Bélial sous la direction de Roland Lehoucq. Dune, un chef-d'œuvre de la science-fiction par Nicolas Allard chez Duno. Sans oublier évidemment le MOOC aux éditions de La Talente avec des contributions de nos trois collaborateurs et les trois personnes que vous avez entendues ici. Je vous signale par ailleurs que tout au long du week-end, puisque comme nous le disions hier avec Valérie Masson-Delmotte, ce sont les 5 ans de l'accord de Paris, et bien week-end spécial sur l'antenne de France Culture consacré aux océans, en direct du théâtre de la ville, Espace Cardin, les 5 ans de l'accord de Paris. Il y aura notamment un concert fiction de 20 milieux sous les mers et plein de choses passionnantes tout au long de la journée. On vous met le programme sur le fil Twitter de l'émission. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Alex Dang à la technique. Un mot pour la semaine prochaine. Lundi, nous vous parlerons des ornithorynques. Mardi, du feu, le télescope d'Arecibo. Mercredi, émission spéciale Covid. Peut-on vraiment éviter une troisième vague? Jeudi, nous parlerons de linguistique. Et vendredi, pour notre petit cadeau de Noël de la méthode scientifique, nous recevrons Ted Chiang, l'auteur des nouvelles Expiration. Demain à 16h, c'est Étienne Klein en direct du Théâtre de la Ville. Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.